Bruno, le printemps m'inspire. On prend l'eau et on s'attire. Carmelo, j'ai mon parapluie. J'ai ce qu'il faut dans mon paradis. Je regarde cette belle soirée. Je devais te regretter. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Dans ma tête, c'est la jalousie. Jalousie. Mon désir, jalousie. Galénique pour notre affection, encore trop timide et nos lèvres deviennent cinématiques. Quand je me lève dans ton royaume, je suis candide, mes rivaux endeuillés. Je leur ai coupé la tête et leur langue à l'épée. Moi, robuste chevalier, n'arrive plus à mes pieds. Encore moins aux chevilles pour aller des Antilles jusqu'au Brésil.